Et des frissons coulent du mont Calvaire ou à la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que ce l'autre rive, avec je trouverai, à la croix, à la croix, à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que ce l'autre rive. Avais-je trop près pour prêter la croix au agneau, montre-moi tes scènes, aide-moi, marcher toujours. Et dans ces ans où à la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que ce l'autre rêve. Déjà trop heureux, oh, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que ce autre rêve. Avais-je trop pour de la croix j'attendrai, veillant, croyant toujours jusqu'au jour où j'atteindrai l'autre rive d'eau, à la croix, à Golgotha, à la croix, sois ma gloire à jamais jusqu'à je. Avais-je trop fait, ou à la croix, agneau soit ma gloire à jamais jusqu'à ce que ce l'autre. Avais-je trop répond. Bienveillant Père Céleste, nous venons auprès de toi au nom de Jésus-Christ pour que tu nous accueilles en ta présence. Tu agrées chacune de nos prières depuis dimanche jusqu'à présent. Quand nous avons été la dernière fois ensemble ici et tu as été occupé de nos âmes, tu nous as nourris, tu nous as bénis, tu nous as délivrés, tu nous as édifiés et tu nous as fortifiés. Tu as agi au-delà de ce que l'œil voit. Et ta main immuable a fait de grandes choses. Nous voici encore vivants ici par ta grande puissance qui nous garde. Alors que nous sommes contre le diable et le mal, respire la jalousie et la haine contre nos victimes. Mais toi qui es plus puissant que tout, et tu nous gardes dans ta main, tu nous as donné l'assurance que tu as gardé ces brebis dans ta main, et nul ne les ravira de la main de toi. Béni soit ton nom ce soir, qui nous accorde encore cette occasion nouvelle, un vrai privilège. Voilà, où nous t'appelons sur la scène, pour nous communier avec nos cœurs, et nous conduire au bon port. Seigneur, parle à chaque âme. Pardonne nos péchés. Amen. Toutes nos fautes diverses. Amen. Lave-les dans le sang, Seigneur. Accueille-nous comme des enfants à perfectionner. Ils reconnaissent leurs failles, leurs limites, mais qu'ils viennent à toi, Elohim. Dieu est tout suffisant pour pouvoir nous ressourcer, pour puiser encore, pour recevoir les nouvelles bénédictions, les orientations et ton soutien. Nourris nos âmes à chacun. Au nom de Jésus-Christ. Et guéris chaque malade. Donne la force aux faibles. La consolation aux affligés. À ceux qui sont éprouvés. Et la lumière aux âmes enténébrées. Le Saint-Esprit dans nos cœurs. Les sourds du Dieu vivant, la nouvelle naissance, le changement selon Dieu. Nous voulons un changement de caractère, que les défauts tombent et que les qualités pleuvent. Merci pour ta bienveillance, et nous croyons que ce soir tu vas traiter avec chacun de nous selon ton plan merveilleux du salut. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans sa sainte Bible ici. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous commençons au verset 48. 1 Corinthiens 15 verset 48 à 52. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter les royaumes de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Lokola ejaliye moto na mabele, bongo bango bato na mabele. Pe lokola ejaliye moto na likolo, bobele bongo pe bango bato na likolo. C'est la moko tomemi elilingi na moto na mabele, boye tokomema elilingi na moto na likolo. Bandeko, na jali koloba, oyo ete, mosuni pe makila ikoki kozwama bokonzi na Nzambe te. Oyo ekopola ekosangola yango, ezangi kopola te. Tala, na jali koloba na bino likambo, libombami. Biso yonso tokolala te. Nde biso yonso tokobongwa na motindo mosusu. Na mwa tango moke, na tango kobota liso, wana ekoyula kelelo na suka. Zambi kelelo ekoloba mpe bakufi bakosekwa na kozanga kopola. Se biso tokobongwa motindo mosusu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, kanali bosa ba Thessalonika, mokapamine, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et le Seigneur, nous Pena kubeta na mundule na nzambi. Se bakufi kati na Kristo bakose kwa liboso. Nasima bifo bato na bomo ibaoyo tutikali. Pokonetwa kati na mapata. Pona kuzwa manankolo kati na mopete. Esika moko na bango. Se bongo tokojala libela esika moko na nkolo. Hébreux chapitre 11. Ebele mokakwa zomi na moko. 11 et 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Pona kondima sala akokati kozwazemi ata esili koleka elakana basi pona kobota. Dambi atangi ete ye oyo apesi elaka akokokisa yango. Boye uta na mobali moko ye lokola mokufi penza. Bana babimi na motuya monene pela moko myoto na likolo pe mbuma na zelo na mabongo na mai oyo bato bayebi kotanga motuya na yango te. Kadio benisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botanga lokana ye. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Bokokovanda na kombo na Jésus. Souhaitons à chacun bienvenue devant Dieu. Mwela moko na moko boye malamu liboso na Nzambe. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Boye malamu kati na ndako na kolo. Bienvenue à la table du Seigneur Jésus-Christ. Boye malamu na mesa na kolo Yesu Kristo. Voulez-vous? Olingi. Amen. Je ne vous entends pas tous. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Quand nous sommes devant Dieu, nous sommes heureux. Car par sa main, il y a des solutions. Quel que soit le problème qui nous tracasse sous le soleil, aussi nombreux que vieux qu'il puisse paraître, il nous suffit d'arriver dans la présence de Dieu et nous souvenir des privilèges que nous avons de pouvoir tout lui dire sans rien cacher. Alors nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et quelle que soit la chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons cela. Amen. Et cette foi intérieure, c'est ce qui nous permet de palper les choses invisibles. Et d'atteindre les sommets infranchissables. D'atteindre des niveaux inimaginables. Il faut la foi intérieure. Ce soir, après avoir entendu la question d'interpellation dimanche, seras-tu enlevé bientôt au ciel? La question est adressée à l'individu qui entend, à la personne qui entend cela. Mais ce n'est pas dit juste pour donner des informations, ni pour semer la panique, ou même entretenir une atmosphère de fin du monde, mais l'enlèvement dont nous parlons en soubassement est une promesse de Dieu. Dieu a promis d'enlever le ciel. En effet, dans Jean au chapitre 14, verset 3, vous le savez, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que j'aurai apprêté la place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. N'en déplaise à quelques extrémistes égarés qui nient l'enlèvement collectif. Ils disent que ça n'aura pas lieu. L'enlèvement de tout un groupe de gens dans ils disent qu'en 1963, la voix a tonné sur la montagne pour ordonner l'ouverture de cette source. Le programme dit qu'il s'est senti comme si il était enlevé de la terre. Alors donc il nous a représenté tous. Puisque c'était déjà ça l'enlèvement. Il n'y aura plus d'enlèvement, un groupe de gens comme ça. Imaginez qu'il y ait des hommes, des adultes, hein. Certains d'entre eux sont des intellectuels. Ils se poumonnent à défendre ça, même dans les chaînes de télévision. Qui disent que ceux qui prêchent que l'église sera enlevée collectivement sont des dénominationnels. Ce qui veut dire que, d'après leur qualification là, même William Branham était dénominationnel. William Branham est de ceux qui ont prêché l'enlèvement collectif. Alors, eux, il semble avoir plus de lumière que le messager de l'âge. Ils sont plus éclairés que les prophètes. Et pour pouvoir enseigner les autres. Et puis ils disent que ceux qui disent qu'il y aura un enlèvement collectif sont des dénominationnels. Et les aigles, savent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Donc sous la représentation de William Branham. Et que nous tous, nous allons passer par la bêche. Nous serons enterrés, vouloir ou pas. Nous serons enterrés. Rien ne se passe. Tous ces gens-là sont, ils sont des aveugles, ils n'ont pas la révélation. Ils disent qu'il y aura un enlèvement. On ne voit rien, il n'y aura rien. Regardez la danse. Il n'y aura rien. Il n'y aura plus rien. Tout ce qui devait être fait. Ce sont des gens égarés. Complètement désespérés. C'est pour cette raison qu'ils ont des difficultés pour se purifier. Frère, les promesses de Dieu nous incitent à la purification. Quand vous savez que Dieu vous a promis des choses, vous réparerez en conséquence. Mais quand vous n'avez pas de soutien au dedans là-bas, vous vous mettrez à flotter à tous les vents en train de croire n'importe quelle doctrine. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2 et 3, il est écrit ceci: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc il y a raison d'espérer. Pour quiconque lit et croit la Bible, il y a raison d'espérer. Ce que nous sommes là, ce n'est pas le final, ce n'est pas fini. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui a fait la promesse, est un Dieu fidèle. À lui Sarah avait cru, et dans sa vieillesse, elle fut rendue capable d'avoir une postérité. Nous également nous croyons au même Dieu. Même si l'âge nous brisait et qu'on devenait des vieux tout blancs en cheveux, notre espérance ne changera pas. Car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Nous continuerons à croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Qu'il va nous rajeunir. Qu'il changera ce corps. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, donc nous serons ce que nous ne sommes pas, mais ce que nous ne sommes pas maintenant. Dites amen, église. Nous serons quelque chose d'autre. La Bible le dit, c'est l'exacte vérité. Nous serons quelque chose d'autre que ça. On ne dit pas Dieu comme si c'est une seule personne. Et que le président de nos côtés, si lui devait accomplir seul toutes les promesses. Selon une certaine croyance mensongère. Oh, toutes les promesses. Mais c'est William Branham qui l'a fait. C'est lui la plénitude du corps, frère. C'est lui, toutes les promesses. Frère, c'est faux. Il y avait des promesses qui concernaient Branham. Il y avait des promesses qui concernent l'église entière. En voici une ici. Bien aimé pluriel. Balinga vina boyike. Nous sommes pluriel. Tozali na boyike. Enfant de Dieu pluriel. Bala na zambi na boyike. Oh, c'est clair. Wane zali polele. Bien aimé pluriel. Nous sommes pluriel. Nous enfants de Dieu pluriel. Et c'est ce que nous sommes maintenant. Mais c'est ce que nous serons pluriel. Oui, la parole a été manifestée. Oui, nous croyons Dieu au mot. Mais nous savons pluriel que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Balinga misasa epi tojali bana na Nzambe. Penaino emonani te soko tokojala nini. Soyebi ete soko yango ekomonana. Tokojala lokola ye po ete tokomona ye tela moko ejali ye. Nous le verrons tel qu'il est. Il faut que mon aïe puis la moko y a jali. En groupe. Voilà, la tonga batou. Le pluriel concerné. Boïke, oui, j'allais côté de la moko. Nous le verrons. Il faut que mon aïe. Nous qui sommes déjà maintenant en haut, aux alisa, ça est pas en nous le verrons tel qu'il est. Que mon aïe, le lenga jali. Oh, c'est vrai. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui-même est pur. Moto na moto oyo ajali na elika yango epai na ye akomi peto la ye moko. C'est la moto ye ajali peto. Maintenant prenez quelqu'un qui n'a pas une telle espérance. Ja moto ajali na elika le lenge yote. Qui pourrait soutenir sa sanctification. Il n'a rien à perdre, il a déjà tout perdu. En pensant que toutes les promesses n'étaient faites que pour Branham. Et puis il n'y a rien pour nous l'église. Pour la vie de Dieu attend de nous, c'est de croire Branham au mot. On a allé connu la vie pour j'ai la fin de la vie de Branham. Répétez les bandes. Manque de vision. Kuzanga et mononi. Chers amis, Balinga. La Bible est écrite par un auteur qui ne ment point. Bible komami na mokolo na ngwa posa ka soko mokete. Sa parole est infaillible. Il va la écouter ma kati. Dieu la tiendra jusqu'au bout. Zambe akokofiamo pina souka ko simba mokenda. Il a cette espérance en lui. Motuna za na liko na kati na ye. Automatiquement, c'est purifié. Akomi peto lisa. Ambala moko. Comme celui qui a fait la promesse lui-même est pur. Nokola imoko asali la kaza li peto. De la même façon que le Dieu qui nous promet est pur, hein? Nous recevons les promesses de sa bouche et que sa voix touche nos êtres intérieurs. Chers amis, ça nous pousse à la sanctification. Alors quand on dit seras-tu enlevé bientôt au ciel? C'était notre méditation de dimanche. Ce n'est pas juste pour entretenir une atmosphère de fin du monde comme vous le dites. Mais c'est pour interpeller nos âmes. Donc, voir que nous ne sommes pas éternellement ici-bas sur terre. Nous vivons sous les promesses de Dieu. Bon, c'est l'enlèvement lui-même. Dieu a promis d'enlever et il le fera. Mais ce soir, notre matière, ce n'est pas l'enlèvement lui-même. Avant d'arriver à cet enlèvement, il faut le changement de nos corps. Nos corps doivent être changés. Nous allons participer à l'enlèvement. Si nos corps doivent être changés, avant de participer à l'enlèvement, c'est que nos cœurs et nos âmes doivent auparavant aussi être changés avant d'espérer le changement de corps. Nous allons participer ce soir. Dieu a promis de changer nos corps. Et ce changement se fera en un instant, en un clin d'œil. Crois-tu à ce changement? La promesse de Dieu de changer nos corps. Il va le faire. Nous avons lu là à des endroits et c'est la vérité. Dieu va le faire. Et notre espérance est fondée de cette manière-là. Dans Philippiens chapitre 3, vous le savez aussi. Cet ancien évangile qui ne faillit jamais. Philippiens 3 verset 21. Mais nous, encore pluriel, nous sommes citoyens des cieux. Pluriel. D'où nous attendons aussi, pluriel, comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en les rendant semblables au corps de sa gloire, Amen, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais une telle écriture mérite d'être lue chaque jour. Amen. Elle mérite d'être prêchée chaque semaine. Et pour à ceux qui attendent l'enlèvement. Pour qu'ils aient sa présence dans l'esprit. Et qu'ils ne se permettent pas d'aller dans les distractions. Jusqu'au point d'oublier l'essentiel. Savoir que nos corps doivent changer. Avant que nous ne soyons enlevés. Que nous soyons enlevés. Qui dit Amen. Nous avons une espérance, nous attendons. Frère, moi j'attends. Et avec un groupe de croyants comme moi, j'attends. Ils se reconnaissent comme enfants de Dieu. Tous ceux qui sont réellement enfants de Dieu se reconnaissent dans ses promesses. Ceux qui refusent les promesses de Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. Dans les véritables enfants de Dieu sont les enfants des promesses. Que cela soit clairement dit, rappelé et répété. Romains 9. Romains chapitre 9. Verset 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans affaire. Loin de là. La parole de Dieu est efficace. Chaque promesse à la vie, elle doit se confirmer. Quand Dieu a promis, il réalisera. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui fréquentent les églises ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Tous ceux qui s'appellent eux-mêmes chrétiens ne sont pas forcément les enfants de Dieu. Et ceux qui descendaient d'Israël n'étaient pas forcément tous Israël. Parce qu'il y a eu du mélange. Il y a eu de l'hybridation. Il y a eu de mariages mixtes. Les Israélites qui se sont mariés aux Moabites. Ils ont épousé des Édomites. Alors, les enfants qui naissent de tel signe, ne sont pas Israël. Que cela soit clairement rétabli. Dieu veille sur la lignée pure. Sur la vraie sémence. Venir dans les assemblées du message. Quand vous semez, écoutez n'importe quelle prédication. Fouillez et mélangez. Cela ne fera jamais de nous enfants de Dieu. Pour devenir enfants de Dieu, il faut la pure parole. Amen. pour être un enfant d'un humain. Pour n'accomplir ma moine ou ya moto. Être vraiment un humain. Vous allez prendre moto. Vous n'allez pas prendre la semence d'un homme. Vous allez monter moto. Mettre dans une femme. Vous allez monter la moto. Prendre la semence du cochon, ajouter là-bas. Et vous allez prendre la semence du bouc, venir mettre dedans. Et puis prendre la semence des canards. Vous allez libérer ta cochon à la cabine. Et puis à la fin espérer avoir un être humain. Nasuka koli kete kozala moto. Vous serez monstre. Voilà vos cousins la Mongolie penza. Tous ces mélanges-là ne peuvent pas garantir quoi que ce soit. Si vous voulez un humain, ne mettez que la semence d'homme. Pas de mélange. Tout mélange est suicidaire. Il fera même que la semence meure sans se reproduire. Et si il arrive à s'en sortir, vous aurez une créature qui n'a pas d'appartenance à une espèce humaine. Ni oiseau, ni reptile, ni animal, ni humain. Voyez frère, l'hybridation est contre les lois de Dieu. Dieu n'aime pas de mélange. Nous devons rester purs et saints. Nous devons garder un seul enseignement. Ne recevoir que l'enseignement de Dieu. Pas autre chose en plus. Rien que l'enseignement de Dieu. Parce qu'il est écrit que tous seront enseignés de Dieu. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Il disant connaît Dieu, craint Dieu. Mais ils seront tous enseignés de Dieu. Et ils connaîtront tous du plus petit au plus grand. C'est là les paroles de la nouvelle alliance. Il faut que Dieu seul s'enseigne. De la manière dont il a écrit dans sa parole qu'il le fera. Pas de votre manière à vous. Comme les gens au temps de la fin. Pour la démangeaison d'entendre des choses agréables. Nous sommes des foules de faux docteurs. Nous sommes les propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des fables. Alors, de tels gens, les vous dire qu'ils sont enseignés de Dieu. Pour commencer, ils n'ont même pas besoin de l'enseignement de Dieu. Ils ont leurs propres critères. Ils ont leurs propres souhaits et vœux. Ils ont leurs propres souhaits et vœux. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit à Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Ismaël aussi était de la postérité d'Abraham. Mais ce n'était pas la postérité appelée du nom d'Abraham. Il était aussi de la postérité d'Abraham. Mais pas la postérité appelée du nom d'Abraham. L'unique postérité d'Abraham que Dieu reconnaît au nom d'Abraham, c'est celle qui est Israélienne. Tout cela est important dans la Bible. Pour ne pas faire des mélanges. Êtes-vous là? Oh, comme Dieu est assez clair quand il parle. Oh là là, ici dans Genèse au chapitre 21, je pense qu'il a parler un peu au sujet de cet enfant-là. Quand il devait rassurer Abraham, et que on avait foutu cet esclave dehors. dans Genèse 21, il est écrit ceci, au verset 12 et 13, non, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Il s'agit de l'enfant Ismaël. Ouais, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Soko sala alobeliyo nini sala boyepote libota na kombo na yo ekobima na Isaka. A cela que Paul dans Romains 9 se reconnaît. Attention au verset 13. Okay, bah, zo, minami, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Na kosala pe libota na mwana na mombo ya mwasi na yo po ete ajali mwana na yo. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Donc, la postérité d'Abraham n'est pas composée que d'Isaac seul. Donc, même Ismaël faisait partie de la postérité d'Abraham. Mais aux yeux de Dieu, la postérité qui portera le nom d'Abraham après lui, celle qui naîtra par Isaac. Les autres, bien que charnellement, théologiquement, ils étaient nés de la semence d'Abraham, de la semence de l'homme Abraham, mais ils n'étaient pas sa postérité propre personne. C'était sa postérité charnelle. Selon les arrangements de chair. Selon les arrangements terrestres. Mais la postérité qui porterait le nom d'Abraham, c'est celle qui devenait de sa femme Sarah. Et par Sarah, Isaac. Qui dit Amen? Donc, il faut veiller à ce mélange-là. Quand vous regardez du point de vue charnel, vous aurez l'impression qu'on a une multitude qui se réclame du nom de Dieu, du nom des chrétiens, du nom de Dieu, mais qui ne sont pas véritablement enfants. Que Dieu nous aide à nous distinguer. Dans Jean chapitre 8, le verset 36, nous prenons à partir du verset 34. Voyez, à partir du verset 34, on va jusqu'au verset 42. En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Yesu azoni sali bango monoko ete solo solo na lobeli na bino ete moto na moto oyo akosala kama sumu ajali maumbo na masumu. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure toujours. Maumbo akoumela libela na ndako te kasi mwana akoumela libela. Vous vous souvenez de la prédication de dimanche encore? Dans le bande de la finalité à Lomingo, la différence entre le serviteur et le fils. Okay, c'est une case, c'est moi, mon sali, na mwana. La position du fils auprès du père. Si kaumana vande pa na tata. Et la position du serviteur auprès du père. Oyo ya mosali pa na tata. Il n'y a pas égalité. Il y a une nette distinction. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Écoutez, Jésus dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Yango e moninga e pa ina tata nde bino bokosakola yango e moni bino e pa ina tata na bino. Voilà ici au plan spirituel Jésus était la postérité d'Abraham. Ah na lunga moni moni sala ko kitana balama. Il appelait fils d'Abraham. Na likakula bianga mimwana na balama. Mais voilà il parle à d'autres personnes. Alors, qui biologiquement, charnellement, étaient les descendants d'Isaac, et considérés aussi comme postérité d'Abraham. Mais regardez comment je suis lion. Il est compte dans la postérité d'Abraham, mais il dit qu'ils ont un autre père que son père. Pour ce qui est d'être postérité d'Abraham, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Mais pour ce qui est de la communauté de père, d'avoir la même père, là c'est non. Eux là, bien que de la postérité d'Abraham, c'est la chair d'homme, n'étaient pas enfants de Dieu. Spirituellement parlant. Tandis que Jésus, postérité d'Abraham, selon ce que l'on croyait, le premier-né de Joseph, fils de David, fils d'Abraham, ok, oui. Mais il était spirituellement fils de Dieu. Jésus-Christ était enfant de Dieu. Mais ceux-là qui voulaient le faire mourir, mais pour ceux qui est d'être compté comme postérité d'Abraham, il l'était. Et Jésus a concédé ça. Yesu andima ki avo bongo. Et pour ce qui est de la vraie paternité. Na wezali na botata solo. Au plan spirituel. Il y avait distinction. Boke tene zalaki. Avançons. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, verset 38. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Daina ko sakola ka yango moninga e paina tatana ngai. Ne bino ko sakola ka yango e ki bino e paina tatana bino. Regardez le père de Jésus ici est en paix majuscule. Tala tata wa Yesu azali na paix wana ko meliwa bonene. Le père des autres est en paix minuscule. Tata wa basusu azali ko meliwa moke. Tout une grande différence. Wana boke sel munene. Il lui répondit. Notre père paix minuscule là, c'est Abraham. Bazongi si mon côté balobi ete tata na biso azali Abraham. Jésus leur dit: si vous étiez enfant d'Abraham, après leur avoir concédé le fait qu'ils soient postérité d'Abraham, ils creusent encore maintenant. Pour les tamiser. Pour les secouer. Pour sélectionner dans les groupes. Hein? Postérité. Peut-être vous êtes postérité d'Abraham à la manière d'Ismaël. Mais vous n'êtes pas enfant de la promesse. Vous n'êtes pas la lignée spirituelle considérée. Car Dieu voit les choses autrement. Il veille sur la lignée pure. La pure semence. Il garde l'original sans mélange. Il garde l'original. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham, et Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Dans verset 41, vous faites les œuvres de votre père. Et quel est ce père dont Jésus parle ici? Abraham. Il est en train d'identifier leur vrai père au plan de Dieu, mais continue à s'accrocher aux traditions. Aux croyances traditionnelles répandues par la plus populaire de l'époque. Les pharisiens. Actuellement, l'église catholique romaine. Les croyances traditionnelles. Nous sommes enfants de Dieu. Mais votre père, ce n'est pas vraiment Abraham. Vous allez vous attachez là. Hein? Mieux pour vous dire, Nadiem Belité. Autant mieux ça. Vous allez vous accrocher à Abraham, mais Abraham n'est pas votre père. Abraham a tata na binoté. Il n'est pas vraiment votre père. Il a tata na binoté. Quand on va dans le spirituel, vous êtes de notre père. Vous allez tata mon sousou. Et les œuvres que vous faites, prouvent de qui vous êtes. Vous allez kota lisa, vous allez pas na nani. Jésus essaye de les leur dire, mais eux, Yesu amiko lobela bango, ils continuent toujours de s'accrocher. Vous allez kokoba ouvele kokanga maka. Écoutez. Okay. Vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Bon, si Dieu était leur Père, où sont les œuvres de Dieu dans leur vie? Aucun miracle. Aucun signe, aucune révélation, tout était froid comme la tradition. Mais à cause des croyances traditionnelles, le Seigneur essaye de les aider, mais on continue à s'accrocher. Il vaut jusqu'à dire que est-ce que nous avons ces dieux. Mais Dieu qui ne traitait pas avec eux. Zambé, à quoi bon se réclamer de Dieu? Autant mieux dire comme Gédéon. Madame Kolobalakola Gédéon. Si Dieu est avec nous, nous allons tous ces prodiges. Wapi, bisamu sinanyoso. En quoi bon t'appeler fils de Dieu? Madame Kolobalakola Gédéon. Quand dans ta vie, il n'y a aucun miracle. Tu t'appelles frère, sœur. Toute la marque, c'est chaos sur chaos. Aucune expérience, aucun témoignage qui fait une vie semblable. Rien. Tu ne peux pas aller à l'église. Mais tu n'as aucune expérience à partager. Ensuite, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Prétention traditionnelle. Ce sont des paroles sans vie, sans impact. Mais il faut reconnaître comme Nicodème. Amen. Il a reconnu que parmi lui, dans son groupe, il est venu comme un délégué des pharisiens. Il est hypocritement de lui. Nous savons que tu es un maître. Personne ne peut faire ce soir. C'est un miracle que toi tu fais. Si Dieu est avec toi, il faut le signe de sa présence. Il s'adresse à chacun de nous. Dieu déteste toute religion sans puissance. Toutes les religions froides et traditionnelles. Tout est pour être le témoin de Christ. Christ n'est plus dans la tombe, il a résisté. Et il donne les preuves de sa résurrection. Les mêmes choses qu'il avait faites avant de mourir, il doit le faire parmi nous. Dans votre maison, dans votre vie. Quand il n'y en a pas, il n'est pas là. Qu'on se le dise franchement. Personne ne nous flatter avec nos expériences des autres. Oh, je connais que nous avons un grand frère dans l'église. Lui, vraiment, Dieu l'utilise puissamment. Tu n'es venu accompagner personne. Dieu a dit que la promesse est pour vous. Et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont là. À notre grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appelera. Et si nombreux qu'ils soient, il les utilisera. Il manifestera sa promesse. Il doit naître. Arrêtons avec les croyances traditionnelles. Manifestons Dieu de notre foi. Manifestons Dieu auprès des autres. Ceux qui nous connaissent, ceux qui nous fréquentent. Dans ton entourage, le nom de ton Dieu doit être connu. Et sa puissance doit se répandre. Vous voyez, c'est Ne sois pas trop égoïste. Enfermé dans ton coin. Apporte Jésus à ton voisinage. Et qu'il soit le miraculeux. Le sauveur. Le miséricordieux qui pardonne. Le libérateur. Le rédempteur en vérité. Le sauveur parfait. Ils disent, nous avons un seul Dieu, un seul Père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Zambi na ye na tina na ngai mokote kasi ye atindi ngai. Voilà. Voilà. Et au verset 44, vous avez pour père le diable. Pour arrêter la condition. Pour mettre fin aux polémiques, hein. Jésus a dévoilé clairement quel est son père là minuscule. Yesu atalisha kwenye tata wewe komelea mke au wapi bango bazalaki batbana na yeye. Ndio ane pa continuer après Dieu et leur père. Asikubana kanzambe tata na bango na pamba te. Par croyance dénominationnelle. Ndio bila bibongi tena. Par prétention religieuse. Ndio kobanza ya basambeli. Il nous faut des expériences authentiques avec lui. Ndio kama dit que si tu fikie na mwana kanzambe. Ton père il doit t'engendrer. Donc c'est que azali tata na c'est que la porte ayo finza. Oben kanzambe tata na abota yo. Yo wan oben kanzambe tata na abota yo. Oh Dieu mon père, Dieu notre père. Ton père avec qui? Abotayo? Est-il né de nouveau? Tu crois de combien d'années à l'église? Tu sais que tu n'es pas né de nouveau et tu ne fous rien. Chaque fois que tu dis, Dieu notre Père céleste. Dieu notre Père. Notre Père céleste. Tata n'a tu l'appelles Père. Abotayo. Il t'a engendré. Tu vois la réponse. Maintenant tu attends l'enlèvement dans cet état d'irrégénéré. N'as-tu pas pitié de ton âme toi-même? Ne vois-tu pas que tu es misérable et malheureux sans le savoir? Nous ne voulons pas de religion sans puissance. Si Dieu vit, il faut que vous viviez aussi. Jésus a dit, car je vis et vous vivrez aussi. Il faut que cette vie qui était en lui soit en toi. La vie qui est dans la parole doit devenir ta vie. La vie que tu mènes partout doit devenir la vie de la parole. Mais tu ne peux pas continuer à mener ta vie personnelle avec n'importe quoi comme attitude. Et puis dire, je suis enfant de Dieu. Dieu est mon père. Non. Tu seras désillusionné. Tu seras déçu à la fin. Dieu te réunira. Celui que tu prétends être ton père, te rejettera. Mais il ne reconnaîtrait ses propres enfants. Ce que lui a engendré. Vous avez pour père le diable. Celui qui vous apprend la mondanité, celui qui vous apprend à mettre les plantes, vous les faites. C'est le diable, votre père. Amen. Ngaïté. Zambé nangaïpété. Zambé nangaïté. Bilogo wana boutiaka wana. Tata na yo diable ne atangi saka yo yango boutou boutou. Oyaka kokosa ofani l'église ne tisser, mais tant aujourd'hui ndako nako banda o tandani na mbetu titongo bando toneno sokaka ba plante kaka ba défrisage kaka ba kabelo et toutes ces histoires là. C'est vrai. C'est ton père qui t'enseigne ça. Vous allez t'attendre avec le talis. Voilà pourquoi tu lui es tellement fidèle. Na yango, vous allez tu n'aimes pas les décevoir. Même pas un jour sur 30. Sur les 30 jours du mois. Tu n'aimes pas les décevoir. Et comme il y a un Suki toujours des frisés. Mais je suis cabello. Ma plante, il y a un pandi. Voilà, c'est votre père le diable qui vous a fait ça. Au talon, tout est yawa. Bazaka kabazolata. Notre Père Céleste dit ici. Ateya wana chère bongo. Yo amemi on a besoin de kuna. Mais les maillots qu'on propose, on se résiste. Talamoula ya talon. Yangouyo. Kotambula le lingo wana. Mbenge tatana yo atangisio. Oya gape kola gisa vraiment. Qui fait délicieux n'oye pas et tatana au diable. Wana. Ma frère peut mamona. Pasteur peut mamona. Naina banga wangu touté. Encore une fois, diable, je me connais, t'as fait un abandonnant. N'a pas de pasteur, n'a pas de pasteur, n'a pas de pasteur, n'a pas de pasteur. A ta pasteur, la panouane, n'a pas de latin encore, pour t'as fait un gars, c'est un diable. Ce qui est pasteur, a ça, n'a pas de diable. Est-ce qu'on va m'a fait un gars? Y'a une force à papa, n'a pas de papa, n'a pas de papa, n'a pas de papa, n'a pas de Ata pasteur yena ndako. Nako, yu ka peso mwote. Nako lata nene tatana nga tani sanga. Enfant fidèle. Mwana wea, sembo pesa. Mais pas à Dieu, hein. Nazai, fai nazan pete. Fidèle à Satan. Sembo na Satana. On l'appellera une diablotine. Ako venga e, zabo lomo kem wasi. Wana ne enfant fidèle, fille fidèle ya diable, hein. Wana mwana mwasa. Diablotine. Zabo lomo kem kasi amwasi. Amen. Ah, y'a qui mission? Y'a qu'on bête, y'a pas dans un mémoire bagou. Bateya, y'a qu'on y'a qu'on a été. Tata n'a sa pète mission, y'a bête, y'a qu'on a bagou, pour pas qu'on s'en mêle bien te. Chaque fois, bah mon arabe, l'on a y'a wana, balo balo ba, bas à la dérange, n'a pas châtiment à bango, moussala n'a pêché y'a wano yoki, et n'a yoki Satan. A y'a pas l'église à Fanny. Au talon, y'a qu'on a été, à zon l'Europe amène à la parole avec des hauts talons. Hein? Avez-vous déjà vu Banco, hein? On va battre sur la terre avec le Saint-Esprit Banco. Donc, alors, on va pas amener Banco. À côté, tout le peine Banco. Là, on va au talon de Yohana. À côté, tout le peine église. À côté, il trans, à côté, mon limon. Eh! Avec le talon. Il y a des courageuses parfois. Les années là-bas, tu es un petit coup, par la main sous. À l'obémi, son gars, donc il y a quoi ça? Regarde, effronter comme ça, comme les filles des gens. Voilà, il marche en faisant résonner les vrais pieds. Tant. Avec des hauts talons. C'est une honte. Voilà, les Sony. Amen. Vous avez pour faire le diable. Satan a vu nos abonnés. Si tu ne veux plus l'avoir, lui comme père. Tu veux la naïté, le Satan a un bon voilà. Mais charge de ce soir, non? Bon voilà, t'en as pourquoi, eux? Mais je t'attends, sœur, j'attends la réponse. Pour ça, la semblante, on a yoki. Répands-toi, tu m'as pas dit, la yoki, il veut au fanny. Si il doit changer, c'est le fanny. Et le bon voilà. Oyambola, pinta. Le coup, on a dit, on a mis ça là, on a ma phase, on a démon, on a tant que ça, yo. Ma phase. Est-ce que tu es en train d'expliquer des choses? Oh, mais c'est vrai à moi, mes dents à moi. Et puis, mais Dieu a promis de changer ses corps, non? Et portons l'opprobre de ses corps mortels. Ce que le bandit est le bandit, bon, on a salé. Oh, bah, ça va, on a eu. Mais bon, on a bango. Et bon, il est bandit, vous savez ce que c'est mon effort? Et moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je vais changer quoi? C'est le corps que Dieu m'a donné. Mais les autres, ça va se faire. Je vais vaincre dans ce corps. Je vais vaincre tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Et tant dans ce corps ici. Pour mériter un meilleur corps là-bas. Tu as été placé dans ce corps de chair. Pour combattre, résister à la tentation et vaincre. Il y a-t-il des combattants et des combattants? Allez, que Dieu vous bénisse là, les combattants. N'ayez plus pour plaire le diable, hein. C'est un mauvais papa. Alors la distribution de la liste, non. A moi, c'est mon bébé. C'est pas bon. Vous devez les renier dès ce soir. Vous misez les. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est ça, c'est des villes mondaines. Bino bo uti na tatana bino satana. Pe bo kano na bino e jaliete. Bo sala fosa na tatana bino. C'est convoitif. Bino ya. Ya mokili. De convoiter les choses et les modes du monde. Bono la bi bilate ya mokili. Makamba mikolo yo. Oh, isa ba griffe a mikolo yi. E la sa makande bo yi. Tout in école, hein. Ya ba griffe. Yana ekele mon bimba. Ya ba griffe. Oui, mikolo yi la sa makande bo yi. Et puis on prend les enfants de Dieu, on les met dans ce genre d'école. Bah, c'est pas dans habitude, oh, il a sa magasin sous boïté. Oui, comment il a sa mandé boïté. Qui a dit que ça doit changer? Tata ou Anakata. C'est papa là. Un mauvais. Je vous dis, un mauvais. Je vous dis, un mauvais. Je vous dis, un pervertisseur. Mauvais du Pinta. Ne lui faites jamais confiance. Vomissez-le. Rejetez-le. Chassez-le. Loin de votre vie. Mon fils a mon avis. Atiko Salamaka Monayo nan Zambe na yo de Mokeli na yo. C'est vrai. Solo. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père des mensonges. Mmh. Amen. Bino bohuti na tatana bino satana. Pe mokano na bino ejaliete, bosala posa na tatana bino. Ye mobomi na bato longwa na ebandeli. Atelemi kati na solo te, po ete solo ejali kati na ye te. Amen. Wana ekosololaka ye lokuta ejali kosolola makambo na ye, moko mpoete ajali mopuki na kutape tata na yango. Amen. Menteur et père de mensonge. Ajali mopuki na lokutape tata na yango. Meurtrier sans pareil. Mobomi akokana mokote. Ne lui faites jamais confiance. Otiela yango te masoko mokete. Quand il te dit mets les plantes, il te ment. Tanga lobele kabita chana dali kokosa. Quand il te dit plantes, ezali sumute, il te ment. Ajali kokosa yo. Oh, de boucle d'oreille mike mike sa mabete, il ment. Voilà, bino kama toi mobele. Tout ce qui vient du diable n'est que mensonge. Non, c'est aussi la table d'aller mobele lokuta. Quand tu le sais, tu n'écouteras plus les mots. Tanga ebi yango okoyoka lisusu te. Quand tu le sais, tu ne te laisseras plus influencer par la mort. Tanga ebi yango na mokili. Par les dires des gens. Na bilobele abato. Quand tout homme d'ailleurs est menteur. Motora sa dali kokosa. Nous devons écouter seulement la parole de Dieu. Okoyoka mobele yo bana nzambe. Ce que nous dit de faire. C'est ce que nous devons faire. Ma parole a dit, restez naturel. Ne me le dévoquez pas, le mot à maquille. Et le défrisage, ce n'est pas naturel. Le mâche, ce n'est pas naturel. Amen. La plante, ce n'est pas naturel. Restez naturel. Je dis amen. Restons naturels. Que la parole de Dieu fasse votre identité. Retournons à Romains 9. Nous étions en train de dire et nous répétons que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent aussi d'Abraham ne sont pas Abraham. Comme il est dit ici, et bien que soit la prospérité d'Abraham, verset 7, c'est de là qu'on avait ouvert la parenthèse. Ils ne sont pas tous ses enfants. Nous venons de l'éprouver. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est cela. Verset 8 annonce. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la prospérité. Alors je répète que tous ceux qui fréquentent les églises, tous ceux qui sont chrétiens, ne sont pas forcément enfants de Dieu. Tous ceux qui fréquentent les assemblées de l'État, ne sont pas forcément les élus du Seigneur. Ils ne sont pas la semence prédestinée. Mais ce sont ceux qui naissent de la promesse. Et qui porte l'identité de la promesse. L'identité de la parole promise. Ils s'identifient au message de leur temps. Dans leur vie. Dans le fondement biblique. Ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui le sont maintenant. n'est pas ce qu'ils seront indéfiniment. Bango, yangwane zalito wa kozala libela na libela. Comme Jean écrivait. Donc là, yangwane va dire qu'on commence. Peu de temps que Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous allez ça c'est vivant en Zambie. Qui sont les enfants de Dieu? Les enfants de la promesse. Ah, naouya elaka. Pas les gens qui sont nés charnellement, ou qui ont adhéré charnellement aux assemblées du pape, qui ont adhéré charnellement aux églises chrétiennes, parce que là, les enfants de la chair, mais ce sont les enfants de la promesse, que Dieu considère, la race pure née de la pure parole, qui reçoivent la pure parole, par le canal pourvu par Dieu. De la manière que Dieu a prévu pour la parole, parvienne à ses enfants. Il a un moyen pourvu. Il a des conditions posées. Alors c'est rien que ceux-là qui sont considérés comme les enfants de Dieu. Ils entendront la vérité et se reconnaîtront. Ils s'humilieront pour se conformer à la vérité. Ils n'ont pas la nature de discuter avec la parole. Quand ils parlent, ils s'inclinent. Moindre pépin, ils pleurent. Ils se repentent, regrettent. Êtes-vous là? Les enfants de la promesse. Alors ce soir, nous parlons de la promesse de Dieu pour changer nos corps. Nos corps seront changés. Les corps de qui? Les enfants de Dieu qui se purifient. Pourquoi ils se purifient? Parce qu'ils ont en eux cette ferme espérance que lorsque Christ paraîtra, eux seront comme il est. Quelle espérance? Quand Christ paraîtra, eux seront comme Christ est. C'est-à-dire qu'ils auront un corps pareil au corps glorifié de Jésus. Au moment où ils devront le voir, à son retour, ils seront déjà changés et portant un corps semblable à son corps glorifié. C'est cela que la Bible annonce. Et c'est une grande espérance pour les chrétiens. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, il est vrai, verset 46, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont les célestes. Lokola ezali ye moto na mabele bongo bango bato na mabele mpe lokola ezali moto na likolo bobele bongo mpe bato na likolo. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait en tant que sauveur? On a salé le lorsqu'il est venu naître sur la terre, dans un corps humain, il a porté un corps semblable à notre corps terrestre. Et qu'est-ce qu'il nous promet quand il retourne au ciel? Il viendra changer nos corps. Il viendra nous enlever. Donc pour nous enlever, il devra d'abord changer nos corps et les rendre semblables au corps de sa gloire. Nous l'avons lu dans Philippiens 3. Verset 20 et 21. Ce soir même. Nous sommes citoyens de. C'est là au ciel d'où nous attendons aussi comme sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation pour les rendre semblable au corps de sa gloire. Quelle promesse! Il le fera à son retour. C'est sûr et certain. Comme des fois de Poncat. Aussi près que je mettais ici un corps humain rien. Et puis il fera cela à son retour. Sans le corps changé, personne ne le verra. Sans le corps changé, personne ne verra au moment de le voir. Il n'y a que ceux qui auront le corps changé, ils pourront le voir paraître. L'Écriture dit par Jean, quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Quand il paraîtra à nos yeux, quand il fera que nous puissions le voir, le corps par lequel nous le verrons sera ressemblable à son corps. Qui dit amen? Pas avant. Pas avant. Donc avec notre corps de chair, même si Jésus vient ce soir, vous déclenchez l'enlèvement, vous ne le verrez pas. Tant que vous êtes dans votre corps mortel ici, vous ne le verrez pas. Il peut même baisser jusqu'au niveau de la toiture. Vous allez faire, hein? Il même se plie, tu ne le verras pas. Mais ceux qui auront le corps changé, bah, ce sont ceux-là qui les verront. Bah, on va comme quelle promesse! Alors ne prenez pas ça à la légère. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Êtes-vous là? Nous porterons cela. C'est une promesse. Je vais lire dans Jéhovah Jireh. Prêché le 4 avril 1964. Jéhovah Jireh. Le 4 avril 1964. Paragraphe 66. À 68. Oui, ça a été aussi. Maintenant, voyez immédiatement venir la merveilleuse promesse. La merveilleuse promesse est le type de la semence royale d'Abraham. Souvenez-vous. Est-ce une promesse? Oui. Nous serons changés. Est-ce une promesse? Oui. Nous serons changés. Je vous ai lu la promesse ici, à travers 1 Jean 3, le verset 3, à travers 1 Corinthiens 15, le verset 48 et même plus bas, le verset 51-52. C'est une promesse, on va y revenir. C'est une promesse, effectivement. On a lu dans Philippiens 3, 20-21, il transformera nos corps. Alors, on demande, est-ce une promesse? Oui, nous serons changés. Alors, Abraham et Sarah, sa femme, qu'en était-ils? Les deux là, ils ont été changés en un jeune homme et en une jeune femme. Montrant exactement que l'église, la semence royale, passerait par là. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 11 là-bas. Au tableau, verset 11 et 12. Pour introduire la prédication de ce soir. C'est par la foi que Sarah elle-même, avec un corps déjà usé, mais il a été rendu capable d'avoir une posterie. Elle devait avoir la foi et Dieu avait la puissance. Elle devait avoir la foi dans la promesse de Dieu, il y avait la puissance. Et parce qu'elle y a cru, les effets ont suivi. Et alors, on n'a pas parlé que de Sarah, là au verset 11, le verset 11 nous parle aussi d'Abraham. Après avoir parlé de Sarah au verset 11, on dit, c'est un homme vieux et au corps déjà usé, n'a-t-il une postérité nombreuses comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sont au bord de la mer, et que l'on ne peut compter. Quel mystère du changement de voile. L'on vante la foi de Sarah, l'introduction, et on conclut par l'expérience d'Abraham. Pour vous dire que les deux là, l'homme et la femme, avaient la foi en Dieu. Même si au verset 12, Hébreux 11, on ne vante pas la foi d'Abraham, mais cette foi existe bel et bien. Il a été vanté auparavant dans Romains chapitre 4. La même foi. Romains 4, la foi d'Abraham à son tour. Le Saint-Esprit est complet. Il est dit. Verset 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut. Il a ce qui Abraham. Et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ata Elika et Mananaki, Lokola, Elika Nasolote, Andima Kieti, Kojala Tatana, Mabota Mingi, Lokola, Elaka, Ziete, Bananayo, Bakojala Boye, Naboye. Et sans faiblir dans la foi, ça y est là, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Atika ki kondimate, ata etanisiye kenzoto na ye esili kokufa, zambi ajalaki pene pene na bilanga mokama. Donc ces deux personnages étaient naturellement incapables de procréer. Mais sinon on dirait que Abraham avait atteint l'andropause. Sarah, sa femme, avait dépassé la ménopause. Donc les deux avaient atteint un âge auquel on ne peut plus se reproduire. C'est ce que ça veut dire ici. Mais malgré cette incapacité, Dieu qui donne vie à toutes choses a donné vie au corps de chacun d'eux, leur donna la capacité de procréer, non pas un enfant fantôme, mais un enfant réel sur lequel Dieu a compté pour avoir la postérité portant le nom d'Abraham. Bilimate, mais bato ya solo solo. Bamingolite, mais bato ya solo solo. Dieu parle des choses réelles et effectives. Voyez, ici on vante la foi d'Abraham. Et au final, la vieillesse de Sarah. On vante la foi de Sarah. Et on indique la vieillesse de Abraham. Ok, les deux avaient la foi. La Bible nous le dit. L'on dit ceci, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Abota ki la kana nzambe kembete kasi akemba ki mingi kati na kondima. Apesa ki nzambe kembo. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Animati na motema na mobimba eti. Dans Hébreu 11, Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dans Romains 4, Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Est-ce encore une promesse pour nous? Oui, nous serons changés. Dieu est-il fidèle, lui qui a promis ça? Oui, Dieu est fidèle. Dieu a-t-il le pouvoir de le faire, mes chers amis? Oui, Dieu de Branham a ce pouvoir. Dieu est le Dieu de Pierre et de Paul. Dieu de tous les chrétiens. Ayons foi en sa fidélité. Croyons qu'il le fera. Je poursuis avec Frère Branham maintenant. Est-ce une promesse? Oui, nous serons changés. Alors, les deux là, le couple, ils ont été changés en un jeune homme et en une jeune femme, suivez, montrant exactement qu'il est un type que l'Église Et l'église, ce n'est pas une seule personne. Et que j'ai mon côté. C'est un pluriel. Et j'ai la que... Ah! Un ensemble des appelés de Dieu. Et j'ai l'ongo et la montrant exactement que l'église, la semence royale, passerait aussi par là. Tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire les enfants de la promesse. La semence pure. Qui a la foi d'Abraham, qui prend Dieu au mot, Dieu qui donne vie à toute chose, Dieu qui ressuscite les morts, Dieu qui guérit toutes maladies, Dieu qui changera nos corps, qui a le pouvoir de les rajeunir, comme il le fait pour l'aigle, tous ces enfants de Dieu-là, qui ont cette espérance en eux, Dieu les changera. Tenez. Omoni, j'ai dit t'aimer. Alobi, bo. Eko salema. Adigène que pourra eko salema. Moi j'ai la pleine conviction. Et la pleine conviction. C'est ce que Dieu promet. Nous avons tiré la tawa. Il le fera. Vous dites. Est-ce une promesse? 1 Thessaloniciens 4. La trompette de Dieu sonnera. Et nous serons changés en un instant. En un clin d'œil. Et ensemble nous serons enlevés. Vous avez entendu comment il a cité 1 Thessaloniciens 4:17. Il a pris un bout. 1 Thessaloniciens 4:17. Un bout d'un Corinthiens 15. Le verset 52. J'ai répondu. Et puis on va lire les deux versets. Quand l'Esprit parle, il faut être attentif. Vous dites, est-ce une promesse? Lui cite 1 Thessaloniciens 4, verset 17. La trompette de Dieu sonnera. Et nous allons changer en un instant, en un clin d'œil. Ça, ça n'y est pas dans 1 Thessaloniciens 4:17. Ça ne parle pas de la trompette. Êtes-vous là? Lisons 1 Thessaloniciens 4:17. Et voyez comment l'Esprit donne la matière. Et les êtres sont attentifs mot à mot. Bazali na boke bizo ba moko esima na mosusu. 1 Thessaloniciens 4:17. Thessalonica yambo mokapo. Nous les vivants. Il n'est pas parlé des trompettes. Qui seront restés. Nous serons tous ensemble. Enlevés avec eux sur de nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Une question, ni des trompettes. Ni des changements en un instant. Nasima biso bato na bomoi ba oyo tokotikala tokonetwa kati na mapata mpona kozwama na nkolo kati na upepe esika moko na bango mpe bongo tokozala libela esika moko na nkolo. Ok. Et quand le Branham cite 1 Thessaloniciens 4:17, il dit la trompette de Dieu sonnera, et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, attention, et ensemble nous serons enlevés. Cette partie terminale là qui dit, ensemble nous serons enlevés, c'est ça qu'il y a dans 1 Thessaloniciens 4:17. La dernière phrase de sa citation. Alors, la première phrase de sa citation est dans 1 Corinthiens 15. C'est ainsi qu'il faut être affermi dans la Bible. Hein. Quand vous n'avez pas l'affermissement, ne vous mettez pas à parler de la parole. Vous allez tout embrouiller et tout confondre. Et vous mettrez tout sur la tête de Branham. Alors que ce n'est pas lui. C'est toi. Qui lit mal le message. 1 Corinthiens 15:52. En même instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Na mwa tango moke moke, na tango na kogota na liso, wana ekoyula kelelo na suka, zambi kelelo, ekoloba po bakufi bakosekwa na kozanga kopola. Pe biso tokobongwa na mutindo mosusu. C'est ici que les questions de la trompette. Mani wa nene shina kilelo. Anene instant, anene shina. Wana ya mwa tango moke moke na kogota na liso. Alors, en citant comme ça, il a rassemblé les deux écritures et présenté ça comme une seule et même promesse. Vous ne pouvez pas être enlevé sans être changé d'abord. Et il ne peut pas y avoir d'enlèvement sans la résurrection des morts en Christ. Le changement doit se faire. Et ceux qui seront changés seront enlevés. Voilà la promesse. La matière, c'est la même. Je poursuis avec la citation. Pourquoi son corps à elle, parlant de Sarah, son corps à elle, leur corps, donc parlant de Sarah d'Abraham, leur corps devait être changé pour recevoir le fils. C'était le type, non? En type, c'était ça. Et dans la réalité, ça doit être ça. Donc, sans changement de corps, personne ne verra Christ. Et nos corps mortels et vils devront être changés pour recevoir le Fils, car nous serons enlevés. Il nous faudra avoir un corps différent de celui-ci, car nous serons enlevés dans les airs pour les rencontrer. Mais ce n'est pas avec ce corps. Amen. Amen. C'est simplement en accord avec les Écritures. Vous voyez, ils étaient changés. Si jamais nous rencontrons le Seigneur dans les airs, nous ne pourrons pas les rencontrer avec ce genre de corps. Et pour ça, les mabongoté au grand jamais. Car la Bible a dit, la chair et le sang n'héritent pas les royaumes. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Si jamais nous rencontrons le Seigneur dans les airs, nous ne pourrons pas les rencontrer avec ce genre de corps, car nous sommes liés à la terre. Liés poussière et qui retournera à la destination de ce corps ici, c'est la poussière. Mais un changement est promis. Bon, Paul a dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 55. Tous, nous serons changés. Ça, ça nous contourne de la mort. Et ça opérera un changement profond qui nous déliera de la terre. Et qui fera que la pesanteur de la terre fera l'effet sur nous. Nous voyagerons, comme dit Frère Bernard Montlevera, comme une pensée. Nous sommes les canis. C'est comme ça. Suivez. Boulanda. Si jamais nous rencontrons le Seigneur dans les airs, nous ne pourrons pas les rencontrer avec ce genre de corps, car nous sommes liés à la terre. Mais nous allons en recevoir un. Alléluia. Qui ira dans la légende. Et ce qui est merveilleux, c'est que cela est très proche. Nous voyons tous les signes bien en place. Ça ne tardera pas maintenant. Un de ces matins, il y aura un changement. Quelqu'un va-t-il aimer ça? Un de ces matins, il y aura un changement. Et ça, il nous faut comprendre. Bien glaner. Glaner et comprendre cette chose. Glaner et C'est très important. Et la que Dieu nous aide. Et on creusera encore cette pensée dans la suite. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre cette chose. Le principe que c'est la promesse de Dieu pour changer nos corps. Et il le fera. Il le fera certainement. Et pour nous qui l'aimons, il y a une identité d'enfant de Dieu, sachant que Dieu a promis et il le fera. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. C'est vraiment merveilleux. Et il faudra que nos prières aussi aillent dans ce sens. Et déclarent ce changement-là. Le changement de ce corps. Êtes-vous là? Vous allez là? Dans les sermons, le compte à rebours. Février 1964. 9 février 64. Le paragraphe 95. Oh Père. Tata. Tant de choses peuvent être dites juste ici. Peut-être que l'Église ne comprendra pas. Mais je te prie de leur donner un ardent désir pour cela. Afin qu'ils viennent et voient que nous sommes au temps de la fin. Dans l'âge de l'astronaute. L'astronaute, c'est celui qui prend l'envol. Qui traverse les airs. Qui va dans les cieux. Dans les espaces. Je prie au Père qu'il puisse comprendre que ce n'est pas pour essayer de condamner ce qu'ils avaient, mais c'est seulement pour essayer de leur donner plus de grâce pour l'enlèvement. Car l'heure viendra où il nous faudra avoir la puissance pour l'enlèvement. Cette puissance doit être effective et présente dans votre tête. Tu ne vas pas l'emprunter chez ton voisin. Tu ne vas pas chez le pasteur. Tu ne vas pas chez la tombe du prophète Branham. Mais c'est Dieu qui doit déverser ça. Dieu en relation duquel tu dois demeurer. L'heure viendra. Oui, nous faudra avoir la puissance pour l'enlèvement. Pas seulement pour guérir le corps, mais pour changer celui-ci en un instant. En un clin d'œil. Suivez. Christ sera si réel dans leur corps qu'il pourra changer ces derniers par sa glorieuse mort. Ce qu'il a acquis. Vous voyez comment vient la puissance d'enlèvement. C'est que Christ, le même qui vous a prêché, Christ, que nous vous disons de recevoir, et que vous n'écoutez pas, que vous décevez par votre comportement, vous les trahissez fréquemment, dans les milieux vous êtes seul là-bas, le même Christ là, Christ, c'est lui qui doit devenir si réel dans votre corps. Il y a comme appelé ça, solo, si réel, que non seulement vous le reconnaîtrez capable de guérir la maladie du corps, mais vous expérimenterez de sa présence le changement de tout votre corps. Quand il est monté à la montagne des transmigrations, y avait-il une puissance qui est venue le remplir d'abord pour qu'il soit transfiguré devant les disciples? Quand il partait à la montagne, il avait déjà cette puissance de changement habitant dans son corps. Et au temps marqué, cette puissance s'est mise à opérer. Et il a changé tout son corps. La même puissance qui le conduisait. Il avait conduit au désert pour être rassuré pour le diable. Il avait amené de victoire en victoire et de miracle. Il avait augmenté sa réputation. La même puissance qu'il avait toujours animé. On t'a marqué par Dieu. Et il a changé de cap pour opérer une nouvelle action. Chrétien. Il est temps que tu es encore rempli de choses. Pour que tu aies marché pour le réveil. Ton corps à toi ne reste pas l'occasion. Mais que ton corps à toi aussi change. Par cette puissance-là, tu es déjà à l'intérieur. Qui dit amen vraiment? Qui comprend le sérieux de ça? Nous allons voir la main. Ah, les autres ne comprennent pas. Parce que vous allez construire sur la terre. Bande comme il va basi. Bon, il n'a pas été, bon, parce qu'on était. Ma cambo est sur le bon, les autres sont à la carte. Et puis, on ressemble à la formalité. Pongi, mondanité. Ma cambo, il y a une langue, bon, ça va, bon, c'est le bananaï. Il te le prêche, il nourrit ton âme dans la carte. Et puis tu vas retourner à la maison, les mêmes péchés, les mêmes sales habitudes. Les sales habitudes dehors. Mais seulement quand ma belle bande à Kuna. Qu'allons-nous faire pour t'aider? Si toi tu n'es pas disposé à changer. L'heure viendra. Oui, nous faudra avoir la puissance pour la réponse. Pas seulement pour guérir le corps, mais pour changer celle-ci. En même instant, en un clin d'œil. Christ. Christo sera si réel à la penza solo, dans leur corps pour ressentir qu'il est là. Il est présent. Il habite en moi. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Cette perception doit devenir permanente. Pour être de plus en plus réel. Au fil des jours ici. Arrêtez de Jérémie de plaindre. De vous plaindre de ceci et de cela. Arrêtez tout ça. Regardez à Christ. Il n'est pas loin de vous. Car Christ en vous, il est l'espérance de la gloire. Mais il doit être si réel. Il doit être si réel. Que Christ est réel. Christ vraiment, réel gâtino, fanika malili bonaka l'église. Osoyo ga religieusement prédication. Le col est discours du chef de l'État. Même en tabaou balanda ga discours chef de l'État babouja kato. Il bouge non. Yo fanika malili malili bon Christ réel dans ton corps. Oh! Na kamo yo. Si. Si ça il faut qu'on se dise de la vérité par moi. Voilà, c'est tout le bela solo na tango mososo. Au kamo yo frère, sœur. Christ réel dans ton corps, fanika malili boyé, nengo yayi ga malili wana, osoka pe malili wana le col gâtino hiver. Christ est réel dans ton corps. Non. Il y a tout ce qui ne va pas. Et le comment vous allez le temps, la vie de la parole. Il y a tout ce qui a vie bouge. On a bon ça communique. Ça entre en contact. Ça célèbre la gloire de Dieu. Christ sera si réel dans leur corps. Il pourra changer ces derniers. Par sa glorieuse mort. Ceux qui l'a acquis. Puisse-t-il accepter cela aujourd'hui? Frère Branham a prié pour toi, mon frère, ma soeur. Vous dites que la bonne formaliste était. Ni malikambo et l'élo. Et ça est la caille ensemble. Nous autres, frère Bongwana. Mais comment on a la formalité? Le qui malini malini boye, trop malini, qui est trop froid. Puisqu'il accepte cela aujourd'hui. Ce signe dont je parlais hier soir. Et de tenir devant eux, et entrer dans cet astronaute. Accorde les pères. Entrer dans cet astronaute ou des visions. Des puissances. Et des mondes au-delà de ce qui est connu. Des visions, des puissances, et des mondes au-delà de ce qui est connu. Il entre en contact maintenant avec ça. Par le Christ qui est tellement réel dans ton corps. Christo, penja, solo, katina, grâce au signe du Saint-Esprit. Ça ne te laisse pas froid et formaliste à faire. C'est une vie dynamique du royaume. Quand il entre, il produit des visions. Il produit des signes. Et des mondes. Je veux voir des mondes au-delà de ce qui est connu. Est-ce que tu as déjà une telle expérience? Jésus revient bientôt. Nous le disons, nous le croyons. Et quand tu vas dormir, mais il faut des visions. Des signes. Et des mondes au-delà de ce qui est connu. Et où tous les grands mystères de Dieu sont révélés dans ces textes et portés à la connaissance des hommes. Accorde le Père. Et le livre de sept sceaux, la révélation de sept sceaux. Et plus tu lis, plus tu jubiles avec. Vous allez couper, tu découvres les secrets du royaume. Ça te fait jubiler avec toi. Ça te fait jubiler avec toi. Mais yo, parce que tu sortiras les amis de ta maman. Aux frères, il y a un modèle. Jamais autant de cette chose. Aux frères, il y a un modèle. C'est tout ça. Message, yo, Zamba, qui était là, qui l'a révélé à mon âge, il a mis ça. Où tu jamais, la vie. Mais tu es croyant de quel message? Vous allez me dire ça, mon Dieu. Nous devons convenir que nous nous disons à l'autre. Et c'est tout un dimanche, nous avons été. Trop, c'est trop de négligence comme ça. Ça, tu n'as jamais crié en réalité. Mon Dieu, mon Dieu, il est qui? Au Tika, la condimaté, à Bosolo Penta. Donc, on va prendre un cavalier. On va prendre mon ami Punda, où il y a Yambo. Le mystère, c'est Gemso, bleu. Il bon, pas bien, il est Mosambo, évitez. C'est Gemso, c'est là, il n'y a pas de. Yamitano, il y a l'inini. On révèle caca, nous faut révèler caca. Les gens de frères et sœurs comme ça. Non, l'ingénieur n'est qu'on va le faire de comment si. Réveillez-nous m'a dit. Notre message. C'est le message que vous avez toujours entendu toute votre vie. Mais auquel Dieu a ajouté les sept sous. Zambé, abati, si, bilembosambo. Quand tu comprends ça. Tango sotoliango. Que fais-tu de ce livre-là? C'est la nini na, de ce brochure-là intitulé premier, deuxième, troisième. Il y a Bakafar, parce que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez frère, peu de église, vous avez un peu de temps. Toujours dans les futilités. Les vraies affaires du royaume, tu n'es pas nous qui parlons. La croissance de la puissance du royaume, tu n'es pas là. Si le signe est là, le Saint-Esprit, il donnera des visions, des signes, et il te fera accéder à des mondes au-delà de ce qui est connu. Il nourrira ton âme de tous les mystères. Pour révéler dans les choses là, la nourriture de ton âme pour mettre. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon guana. Amen. Promesse oyo. Togla nango le sosu. Et kota, et fana. Togla nango le sosu. Bon guana. Bon guana zoto oyo. Mais Dieu a déjà travaillé. Non, mais c'est que ça, il continue à travailler. Ceux qui veulent collaborer avec lui, mais ceux qui veulent continuer dans les futurités, échoueront. Lève-nous pour la prière maintenant. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau don près des mille pour maintenant. Oh, il est l'hélice de la vallée, et en lui seul je trouve ma purification et ma vie, mon réconfort, mon réconfort dans les peines, appuie dans les tourments, et m'invite à lui confier ta souci. Alléluia, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 formes. Mon réconfort, dans les peines, appris dans le tourment, qu'il m'invite à lui confier chaque souci. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a pris et porté sur lui, il a pris et porté sur lui, tous mes soucis à peine, ma tour forte et puissante dans les tentations. Pour lui, j'ai tout abandonné, et ôté de mon cœur, mes idoles par sa puissance. Oh, même si les mondes m'abandonnent, oh, que Satan me tombe, par Jésus j'atteins sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile des matins, le lit de la vallée, c'est le prix beau d'entrée, 10 000 pour mon âme. Même si les mondes m'abandonnent, oh que Satan me tombe, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile des matins, le lys de la valise, c'est le prix beau d'entrée, 10 000 pour mon âme. Il ne me quittera jamais. Il ne me quittera jamais. Il devient de plus en plus réel dans le corps. Tant que je là, pas comme Abraham et Sarah. Un mur de feu, un mur de feu autour de moi. Maintenant je n'ai craint mon âme affamée. Alléluia. Merci. Et nos vies, dans la gloire, verront sa face bénie. Là, à jamais, coule le fleuve des délices. Alléluia, la brillante étoile des montants, le lys de la vallée. Plus bon temps que 10 000 pour mon âme. Et nos envies, la gloire verront sa face bénie. Là, à jamais, coule le fleuve des délices. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau. Disons-lui un mot de prière. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, nous te remercions abondamment pour cette grâce que tu as accordée à chacun de nous soir, de nous rassembler ici au nom de Jésus-Christ. Tu as parlé à nos cœurs. Nous t'avons prié du début à la fin. T'adressant différentes demandes. Requêtes, prières et supplications. Tu connais le cœur de chacun. Car rien n'est caché devant toi. Nous te prions de pardonner nos fautes. Tous nos défauts persistants. Tous nos défauts persistants. Contre lesquels ta parole a déjà crié. Mais que nous continuons à répéter. Pardonne. Seigneur, pardonne. Lave-nous et purifie-nous. Chaque frère, chaque soeur qui serait coupable d'une manière ou d'une autre. Seigneur, compatis, tu es le miséricordieux. Entends la confession, la repentance de chacun de ses frères et apporte la paix, apporte le changement, apporte le fruit digne de la repentance. Car c'est auprès de toi qu'il y a la délivrance totale pour que nous apprenions à te célébrer. Nous ne voulons pas de mélange. Un pied dedans, un pied dehors. Nous voulons un pas ferme. Marchant dans les choses de Dieu. Soutenant le message de l'homme. Croyant toute ta parole. Obéissant à chacune d'elles. Pour avoir le signe du Saint-Esprit. Qui rendra Christ réel dans nos vies. Pour nous donner accès au visible. Au signe. Au miracle, aux œuvres de puissance, au mystère révélé, la main cachée pour l'âme, révolutionne la vie de chacun. Amen. Nous pouvons regarder devant toi et nous sentir indignes. Il y a beaucoup de manquements. Mais ta parole est parfaite. À qui d'autre irions-nous? Nous reviendrons toujours à toi. Nous t'appellerons toujours sur la scène. Ne t'ennuie pas de nous, Seigneur. Ne te fatigue pas de nous. Reçois-nous chaque fois sous les sangs. Prête oreille à notre cri. Nous sommes misérables pauvres. Mais tu es le grand riche. Elohim de tout suffisant. Qui peut solutionner les problèmes compliqués. Qui nous ennuie sur la terre. Mon Dieu, exauce chacun et bénis notre foi. Restons cette foi pour la rendre pareille à celle d'Abraham, comme celle qu'avait Sarah, une foi impactante qui produise les résultats. Un témoignage éloquent de l'attraction pour amener les autres à croire notre Dieu, à connaître le nom de notre Dieu, dans le voisinage, dans la famille, dans le milieu de travail et partout, Seigneur. Change nos vies à ce point. Nous ne voulons pas de cette chrétienté chaotique, nominale, juste nominal, formaliste, froide, sanguin. Nous en avons marre, Seigneur. Nous voulons la vraie puissance de l'Église en action chaque jour. Utilise-nous comme bon puissant. Réveille ce qui dort. Réveille mon frère. Réveille ma soeur. Réveille chaque famille. Au nom de Jésus-Christ. Descends sur la scène. Pour amener la dynamique. La puissance d'en haut. Qui nous amènera aux meilleures expériences. Aux choses fraîches de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de vérité. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bukuvanda. Nous arrivons à la dernière étape maintenant. Priant que Dieu bénisse chacun de vous. Et...